Bientôt ce sera l'attente, la peur, et le nom de Fukushima résonnera aux oreilles du monde entier, comme celui d'un cauchemar éveillé. La vague, elle, continuera sa route avec indifférence. Dans un an, le tsunami continuera de frapper, presque sans force, presque exténué, de l'autre côté de la planète. Il sera épuisé, presque muet, à bout de course, presque rien. Une vague d'une trentaine de centimètres. Encore de quoi renverser un homme et le jeter à terre. Autour du monde. De Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. Réalisation, Juliette Eman. Huitième épisode. S'il vous plaît, vous pouvez me donner un verre d'eau? Oui, monsieur. Merci. Bon Dieu, Giorgio, ressaisis-toi. Et si j'étais en train d'emmener Ernesto au casse-pipe et qu'il dépense tout l'argent qu'il n'a pas, comment je ferais après, moi, pour expliquer à ses enfants qu'il ne voulait pas tant que ça y aller? Que c'est moi qui lui ai forcé la main. Et puis, moi aussi, si jamais je perds mon argent, si jamais tous ils débarquent pour que je les aide à payer les funérailles de leur mère, et que je n'ai pas les moyens, et si je ne peux pas mettre un sou pour leur mère, pour ma femme, de quoi j'aurai l'air? Et comment ils me mépriseraient encore et penseraient que je suis un lâche, un égoïste? Un radin, un minable. Si ma femme insiste pour que je paye, est-ce que je pourrais dire que j'ai tout perdu au jeu? Est-ce qu'il faudra subir l'humiliation de dire que je vais jouer mon argent à la roulette dans des casinos où des vieux fous viennent se faire plumer en essayant d'approcher des cocottes? Leur dire « j'ai tout perdu parce que je voulais voir de l'autre côté de la frontière » et que là-bas, il y a des femmes qui m'attendent. Bon Dieu, non, je ne pourrais pas. Maintenant, comment faire pour reculer et dire à Ernesto que peut-être cet après-midi, il ferait mieux d'aller faire sa promenade avec son chien? La grille. J'ai oublié de fermer la grille. Avec un peu de chance, le chien aura foutu le camp. Si ça pouvait suffire à dissuader Ernesto de partir. Pourvu que personne n'ait oublié de fermer la grille. Ernesto ne veut pas qu'on le voie dévasté par la peur de ne pas retrouver son chien. C'est tellement idiot. Est-ce qu'il est sénile, le débile, à ce point-là? Oui? À ce point-là? Comme si sa vie dépendait d'un chien. Oh non. Oh non, la grille. Oui, c'est bien ça. La grille est ouverte. Giorgio a oublié. Geronimo! Il a encore oublié de fermer la grille. Geronimo! Pourtant, il le sait. Bon Dieu, ça, oui, il le sait. Geronimo! Vous allez bien, monsieur Ernesto? Je peux vous aider? Vous avez un problème? Oui, non. Ça va, merci. Je vais bien. Enfin... Non. Je vais bien, mais mon chien s'est enfui. Alors, et je dois partir tout à l'heure, alors... Alors... Ne vous inquiétez pas, votre chien, on le ramènera chez vous si on le trouve. Geronimo. Geronimo. Geronimo. Geronimo. Geronimo. Geronimo! Geronimo! Il Il s'assied sur un banc pour réfléchir, mais il ne réfléchit pas. Il sent une vague de tristesse monter en lui et qui charrie dans son eau noire des débris de sa vie. L'image de sa femme et de ses enfants. Que font-ils à cette heure-ci, ses enfants? Est-ce qu'ils pensent à lui? Et ses petits-enfants? Ils sont sans doute à l'école. Et lui, aucun d'eux ne pourrait imaginer ici, sur un banc. Pour qui compte-t-il vraiment? Il a si souvent l'impression que ses enfants ne l'appellent que parce qu'il le faut, pour un anniversaire ou une fête, mais pas vraiment pour lui, pour sa présence à lui. Alors pour qui? Pourquoi continuer? Comme ça? Continuer quoi? Est-ce qu'il continue? Est-ce que ça continue? Ça continue, mais qu'est-ce qui continue? Oui, ça continue. Ça continue à ne pas avancer. Cette vague qui le dévaste soudain et qu'il voudrait réprimer en se disant que ça passera. Ça passe toujours. Il faut bien que ça passe. Bon Dieu, se ressaisir. Si Giorgio le voit dans cet état ici maintenant, que va-t-il penser, Giorgio? Ah, Giorgio, il sait bien qu'il faut fermer la grille. Et lorsque plus tard, peut-être une heure après, oui. Giorgio vient frapper à sa porte, Ernesto n'ose pas lui dire combien il est désemparé. Mais le plus surprenant, c'est que lorsqu'il ouvre la porte, c'est Giorgio qui a l'air le plus abattu. Va voir un verre d'eau. Oui, bien sûr. J'ai une soif épouvantable. Va t'asseoir. Et l'incroyable se produit. Giorgio se met à pleurer. J'ai honte. Oui, j'ai oublié de fermer la grille. Je ne pense décidément qu'à moi. Ma femme et mes enfants ont bien eu raison de me quitter. Bon, ben, je vais te faire un café. Hein? Tu veux un café? Eh oui, tu veux un café. Nous allons attendre tous les deux ici. Ou bien mieux encore, nous allons le chercher tous les deux. Ce n'est pas grave pour le voyage. Nous irons le mois prochain. J'opérais des billets, c'est de ma faute. Pardonne-moi, mon ami. Pardonne-moi. Mais bien sûr que c'est pardonné, Giorgio. Il ne faut pas te mettre dans des états pareils. Geronimo va revenir. Il connaît la route. Oh, t'en fais pas. Allez, Giorgio, on a décidé. Tu m'as décidé, c'est toi qui m'as décidé. Mon ami, on va gagner de l'argent et on va pouvoir refaire notre vieille bicoque. Ou même, tiens, on va même pouvoir ne pas revenir du tout. Tu imagines ça? Qu'on ait assez d'argent pour tout laisser en plan et déménager? Tu imagines? Allez, ça va aller. Tes affaires sont prêtes? Ah, nous en avons tellement parlé. Giorgio, tu t'en faisais une telle joie. Tu ne vas pas chercher Geronimo? Ne parle pas de ça, ça m'angoisse. Alors restons. Ah non! Restons. C'est peut-être mieux. Allons le chercher. Giorgio, tu me surprends. C'est gentil, mais tu me surprends. Mais je suis gentil. Oui, c'est ce que je dis, tu me surprends. Allez, Giorgio. C'est ouvert chez toi. Les clés sont sur le buffet? Ton sac est prêt? Oui. Alors, je vais aller te chercher et je vais fermer chez toi. Bientôt, Giorgio entend les pas au-dessus de sa tête. Giorgio imagine une fraction de seconde qu'il est Ernesto et qu'Ernesto est devenu Giorgio. Il imagine ce que c'est de vivre avec des pieds qui vous marchent sur la tête à longueur de journée. Là-haut, Ernesto connaît très bien l'endroit. Et si c'était ça? Oui, ça là, sur la table de chevet. Cette enveloppe, cette lettre ouverte, est lue combien de fois? Combien de fois Giorgio a-t-il pu la lire, cette lettre? Et de qui est-elle? Lui qui ne reçoit jamais de courrier. Qui? Pourquoi il n'a rien dit, se demandait Ernesto, alors que lui-même se découvre en train de lire la lettre de la femme de Giorgio, où elle lui demande de l'aide. Et il comprend tout, pauvre Giorgio. Le désarroi de son ami. C'est pour ça. Son désespoir. Giorgio a dû vouloir parier au jeu et gagner pour offrir à sa femme un bel enterrement. Pour que ses enfants ne disent pas qu'il est pingre, radin, égoïste, comme ils l'ont toujours dit. Non, Giorgio regrette ses erreurs. Il est bouleversé, Ernesto. Il faut vraiment aller là-bas. Gagner de l'argent. Oui, beaucoup d'argent. Et il l'aidera dans la mesure de ses moyens à lui. Ses résolutions sont prises. En montant dans le bus, Giorgio repense à ses enfants qui travaillent et n'arrivent pas à payer les séjours de leur mère à l'hôpital. Et lui qui se tait, se renfrogne, il ne voulait pas céder. Il n'était qu'un bloc de haine et de ressentiment. Oui, il a vu tout ça. Il a compris tout ça. Il voudrait lui dire, Ernesto, je déconnais toute ma vie et je voudrais faire au moins un truc bien. Aller voir ma femme, mes enfants, leur donner de l'argent plutôt que de tout perdre comme un pigeon. Donner le peu que j'ai plutôt que de vouloir les écraser par un luxe que je n'aurai jamais. Mais il se contente de murmurer, de bredouiller, fuyant le regard d'Ernesto. Est-ce que tu comprends ça? Peut-être que c'est pas une bonne idée. Oh, Giorgio. Peut-être qu'il vaut mieux pas y aller. Ernesto n'entend pas. Il regarde dehors. Mais peut-il bien être Geronimo? Où ça? Il cherche du regard, mais ne veut pas trop montrer l'effort qu'il fait. Comment il prend sur lui pour ne pas s'effondrer? Ne pas sortir du bus en courant. Vas-y, la fortune! Des vieux, oui. Ils sont tous vieux. Et sans doute, ils sont tous pauvres, presque. Giorgio comprend. Ils ont payé une misère, ce qui va leur coûter une fortune. Il les regarde en se disant que lui aussi doit leur ressembler. Voilà. On est parti. L'ambiance est bonne, très détendue. On rit, ça va. On se promet de faire fortune en racontant des blagues qui font rire les vieilles dames. Et Giorgio repense au corps tremblant et chaud de Geronimo, lorsque tout à l'heure il l'avait trouvé dans la rue. Il avait pensé à le ramener à la maison, puis finalement il s'était dit que non. Si Geronimo revenait, il n'y aurait plus moyen d'éviter de partir. Alors il avait décidé très vite et il l'avait relâché sur le bord de la route, le chien. Hagard, étonné, ne s'enfuyant pas tout de suite, mais attendant gentiment en suivant Giorgio du regard. Bientôt, du côté des champs, des herbes hautes courant de toute sa liberté folle vers l'autoroute, sans savoir pourquoi, ou peut-être que si. Le chien était parti, trottinant, flairant un chemin totalement nouveau pour lui. Giorgio n'avait pas prévu qu'Ernesto réagirait comme il l'avait fait. Il regarde par la fenêtre, par-dessus l'épaule d'Ernesto. Il a peur de voir débouler une petite tache blanchâtre sur le bitume. Il a peur, Giorgio. Il a peur comme rarement dans sa vie. Et pendant ce temps, une tache blanchâtre court sur l'asphalte d'un noir brillant d'une portion de l'autoroute E45 en direction du nord. Elle court cette petite tache blanche de poils, avec ses pattes maigres et raides, et pourtant agiles comme des pattes d'araignée, vers un point qu'elle ignore mais qu'elle suit comme si elle ne connaissait que lui. Mais aussi parce qu'elle a peur du bruit des voitures, et parce qu'elle n'en revient pas d'avoir un espace aussi vaste autour d'elle, le ciel immense, avec ses nuages d'un blanc aveuglant et mousseux, et qui courent eux aussi pour aller, Dieu sait où, dans un monde qui doit être bien meilleur que le nôtre, puisque tout le monde y court. Les nuages, les chiens, les autobus, tout le monde court et galope, et semble vouloir marcher des heures et des heures, et quitter le bitume pour s'enfoncer très loin dans les plaines silencieuses, là où personne n'est jamais allé salir le monde de sa présence prétentieuse et vaine, où personne n'est jamais allé trouver le désarroi, l'effondrement de digues invisibles. Et Alec peut repenser à tout ça, y revenir, en se disant qu'ils avaient eu tort de suivre leurs amis. Pourquoi avaient-ils voulu à tout prix convaincre Jesse de partir en Thaïlande avec Samran et sa femme Lisbeth ? C'était une erreur, parce que quand on part si loin de chez soi, ce qu'on trouve parfois derrière le masque du dépaysement, c'est l'arrière-pays mental de nos terreurs. Alec et Jesse aiment tellement les voyages et l'idée de partir. C'est peut-être pour ça que lorsque leur fille était née, ils l'avaient appelée Maya. Parce que les civilisations disparues ont une touche d'éternité et d'absolu qu'aucun voyage dans le monde ne pourra jamais approcher. D'autant que Maya avait bien failli ne pas naître. On était allé d'un spécialiste à l'autre. La vie d'un enfant au bout d'une question de tuyauterie. Putain, à quoi ça tient ? Juste une mécanique. Pourquoi penser encore à ça ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi refaire le chemin dans ce sens puisqu'il a déjà tant de mal à conduire comme ça, plié en quatre dans cette voiture trop petite pour lui ? Pourquoi essayer ? En remontant très loin dans le temps, à partir de la naissance de Maya ou toujours un peu avant, au moment de leur rencontre, Jesse et lui. Ils pouvaient remonter le film de la vie de Jesse. Sûrement, il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ouais, sûrement. Mais comme nous tous, bon Dieu, pas la peine de se raconter tant d'histoires. La jeunesse de Jesse, son enfance, sa mère complètement cinglée. Ni lui, ni personne n'y pouvait rien. In the coast town of Kisunuma, the train riding full speed was literally engulfed by the gigantic wave. Un train englouti par un tsunami. Comment croire seulement à une réalité pareille ? Non, impossible. Pas plus qu'il n'avait pu croire aux ongles rongés jusqu'au sang de Jesse, avant-hier, et ses doigts tremblants, ses mains rougies à force de griffures, ses poignets lacérés. Sur la route 235, avec ce putain de mauvais temps, les gens roulent à deux à l'heure. Alec ne pourra pas passer à la clinique comme il le fait tous les jours depuis des semaines. Écoutez, ça va beaucoup mieux. Elle reprend du poids, elle dort, elle va bientôt rentrer à la maison. Ne désespère pas, Alec. Il faut être patient et attendre. Les choses vont rentrer dans l'ordre. Alec se répète que c'est dans la jungle que ça a commencé. Pas avant. Et pourquoi elle avait décidé d'un prénom pour une fille et d'un prénom pour un garçon ? Pourquoi Maya s'était imposée ? Et pourquoi Lazare, si ce n'est l'idée de sa cinglée de mère qui avait parlé d'un oncle s'appelant Lazare et que Jesse n'avait jamais connu ni même vu en photo ? Repenser à tout. Revoir tout. Relire tout. Cette excentricité qui l'aimait tant chez elle. Quand elle pouvait se promener complètement nue en plein salon, avec un fer à repasser à la main et le téléphone dans l'autre, en disant « J'étais en train de repasser et maman m'a appelé ». Elle disait ça sans même se rendre compte que ce qu'il avait devant lui, c'était sa blancheur un peu rosée et fragile, un corps innocent et impudique, ses seins fermes et ses cuisses un peu maigres. Mais bon Dieu, Jesse, qu'est-ce qui se passe ? Jesse, qu'est-ce qui se passe ? Prendre les souvenirs un à un, au couteau, les dépecer. La lame fine et sans remords pour les étudier et les comprendre. Et si ça avait commencé ce jour où l'on avait appris que Jessie était enceinte? Quand elle a décidé. Parce que c'est elle qui avait voulu qu'on ne sache pas le sexe de l'enfant. C'est elle. Seulement elle. En revanche, dès les premiers jours en Thaïlande, dans la montagne, il aurait dû se méfier et constater que quelque chose avait changé. Elle prétextait la fatigue et il la croyait. Elle prétextait le besoin de dessiner une plante ou une pierre et Alec la croyait. Il n'avait pas vu qu'elle était arrêtée, que quelque chose l'avait arrêtée. Il a commencé à comprendre un soir, lors d'un repas. Jessie paraissait lointaine. Elle n'écoutait pas les histoires que racontait la famille de Samran. Autour, la nuit et la jungle grignotaient l'espace et laissaient vivre la maison et le village un peu en retrait, avec les petites bulles de lumière flottantes, des halos vibrant au-dessus des pilotis sur lesquels les maisons tenaient, comme des carapaces de tortues au-dessus d'un sol instable. Chacun racontait ses histoires, et des histoires de fantômes, bien sûr, avec la présence des petits temples devant les maisons, réservés aux esprits. Ils apparaissent sous forme animale. Des singes, des tigres. On avait parlé de ça et Jessie avait raconté que les esprits venaient peupler ses rêves de temps en temps. C'est incroyable. Enfin, c'est dommage parce que, vous savez, nous, en Occident, on peut pas trop parler de ces choses-là. Si on en parle, on passe pour un cinglé, quoi. Ici, on peut en parler sans problème, puisqu'on est vraiment tous cinglés. Oui, c'est sûr. Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes d'esprit? Je veux dire, est-ce qu'un esprit peut nous en vouloir de ne pas être né? Et cette autre nuit, où il s'était réveillé dans la chaleur et la moiteur tropicale et que Jessie n'était pas dans le lit, il se souviendra longtemps de la présence de ce vide à côté de lui. Presque une heure que Jessie a disparu. Quoi ? On y va alors. Je suis sûr qu'elle est dans la jungle. Ce qu'il avait résolu à réveiller Samran, c'était le moment où il avait fini par se décider à regarder les dessins de Jessie. Il avait vu les traits, les méandres, les figures et les images qui naissaient sous les doigts de Jessie et, dans ce qui devait être la masse de la jungle et la prolifération des plantes, il avait vu des zones blanches, vierges, immaculées, des zones laissées vides dont il n'avait pas compris tout de suite ce qu'elles représentaient. Une forme dessinée en creux, laissant éclater la blancheur du papier. Une forme flottante et comme mal définie, mais qui irradiait tout, à chaque fois, sur chaque dessin. Oui, Jessie était au bord d'un gouffre, ou d'un monde dont il n'avait pas idée. Un monde sans fond où l'on pouvait tomber sans cesse, sans avoir jamais la moindre chance de pouvoir revenir. Il avait pensé à la mère de Jessie. Est-ce que Jessie est comme sa mère? Sa mère qui se gavait de gélules amincissantes, avec sa voix comme les cris presque inaudibles et stridents d'un écureuil qu'on terrorise à coups de jet de pierre. Ses yeux morts et gros comme des bulbes d'oignons. Oui. Maintenant, Alec comprend ce qu'avait été l'enfance de Jessie. Quand sa mère la poussait sur l'estrade d'une salle communale, pomponnée, récurée, dressée, déguisée en petite princesse avec des paillettes sur les joues et un diadème dans les cheveux pour un concours de beauté d'une Little Oregon qui ne sait chanter que le God Bless America. Il comprend pourquoi elle est si fragile. Il sait qu'elle est cassable comme la poupée de porcelaine que sa mère avait voulu voir en elle. Mais est-ce que ça va suffire pour expliquer toute son existence fracassée? Jessie, est-ce que ça va suffire pour qu'Alec comprenne comment les policiers t'avaient trouvé 2 jours après votre retour, dans les rues de Des Moines, à moitié nu et enroulé dans une couverture, avec ton bébé pelotonné dans tes bras? Est-ce que ça va suffire pour qu'ils entendent le prénom que tu tiens serré entre tes dents pour ne pas le lâcher? L'enfant que tu as vu dans la jungle et que tu as reconnu comme ton fils qui ne naîtra jamais? Il ne t'en veut pas, tu le sais, il te l'a dit. Il s'est baigné nu avec toi dans les eaux douces et aimantes des cascades et des ruisseaux. Est-ce qu'Alec va pouvoir comprendre alors pourquoi tu avais su tout à coup que tu ne pouvais pas rester habillée ici et qu'il fallait seulement te protéger du froid par une couverture et prendre Maya et la couvrir aussi et la réchauffer contre ta peau pour partir? Il fallait partir. Tu l'as su avant même votre retour de Thaïlande. Et tu disais, dans le secret de ton âme, qu'Alec ne pourrait pas saisir ce qui s'était ouvert à toi lorsque la voix de Lazare t'avait obligé, une nuit, à te lever et à marcher autour de la maison de Samran, et puis à t'enfoncer dans la forêt, malgré la peur et la nuit. Ton cœur, qui essayait de battre plus fort que la voix de Lazare, murmurant les chansons douces que tu chantes à sa sœur. Il veut les entendre aussi de ta bouche, et c'est pour ça qu'il faut le rejoindre dans la nuit. Tu avais perdu tes chaussures et tu t'étais blessé. Ton corps avait accepté d'être greffé par les branches, les ronces, les pierres. La nuit aussi, te cueillant comme une grande main généreuse et géante. Tu avais couru et retrouvé ce point d'eau où tu avais vu la première fois Lazare, jouant avec un bâton et dessinant sur la terre humide comme des traces d'animaux. Tu avais renoncé à le dire à Alec. Il est tellement rationnel, Alec. Il est enfermé dans un amour chaud et doux comme une porte close sur l'aventure qui t'attend. Lazare qui t'attend. Lazare flottant au-dessus du malheur et beau comme la vérité qui t'attendra toujours parce que lui, en ne naissant pas, il a vaincu la mort. Autour du monde, de Laurent Mauvignier. Adaptation, Louise Loubrieux. 8e épisode. Avec Jean-Claude Frissung, Ernesto. Jean-Haut Cotrel, Giorgio. Thibault Lacour, Alec. Alizé Soudet, JC. Composition musicale, électro et harmonique, Dominique Massa et Patrick Martinache. Contrebasse, Erwan Ricordo. Clavier, Dominique Massa. Bruitage, Sophie Bissens, Elodie Fiat. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation, Claire Chéneau. Réalisation, Juliette Eman. Autour du monde est paru aux éditions de Minuit.